on allait au bord de la mer. Avec mon père, ma sœur, ma mère. On venait répertorier les vagues. Mais nos mesures étaient trop vagues. Car il fallait faire attention à la hauteur des ondes et à leur direction. Valait pas grand chose. Alors on a conçu un oiseau, un satellite au-dessus des flots, équipé d'ordinateurs pour calculer la longueur, la direction et la vitesse des vagues, du vent et grâce au CNES, mais aussi un peu aux Chinois. Maintenant on sait pourquoi on va tous au bord de la mer. Avec mon père, ma sœur, ma mère. C'est juste pour voir couler de l'eau. Des poissons à travers les flots. Car il faudra faire attention si on veut que nos enfants envoient autant de beaux poissons. Maintenant, faut vraiment faire quelque chose pour l'océan. La la la la la. Pour l'océan. La la la. Voilà, CFOSAT fait quelque chose pour l'océan. En tout cas, CFOSAT est là pour l'étudier, en savoir plus, mieux le comprendre. Il y a aussi des liens. Tu as parlé de biodiversité. La biodiversité a un lien avec le changement climatique. Il y a aussi des liens avec le changement climatique avec CFOSAT. Alors, je disais, les voyants sont au vert. Daniel Auzer, tout se passe bien à bord? Oui, oui, tout se passe bien. Les deux instruments fonctionnent parfaitement. Le satellite est sur l'orbite prévue. Patrick pourra le confirmer, mais dès quelques jours ou même quelques heures après le lancement, tout était optimal. Et donc, tout le fonctionnement instrumental est excellent. Parfait. Patrick Castillon, vous m'avez dit, quand je vous ai demandé comment va le satellite, vous m'avez dit « je suis sous le charme ». Qu'est-ce que ça veut dire « je suis sous le charme » ? Ça fonctionne un peu comme dans un rêve, hein. C'est-à-dire que moi j'ai fait plusieurs mises à poste dans ma carrière là, et c'est la première qui, à partir du lancement jusqu'à maintenant, n'a quasiment généré aucune alerte. Alors les alertes, on ne va pas rentrer dans le détail là. Vous ennuyez du coup ? Pas vraiment. Non, quand même pas vraiment. Non, mais ça laisse du temps pour célébrer. Quoi. Pour bien travailler. Ah, ouais. Pour célébrer. Et venir au mardi voilà. De l'espace. Donc, d'accord. On a été, enfin moi le premier, j'ai été un peu surpris quand même que tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Si tant est qu'on l'avait bien prévu, parce qu'on y reviendra peut-être, mais la philo chinoise n'est pas vraiment la philo française. Ah oui, on va y revenir. Donc, c'est pas évident, il a fallu se... Voilà, je ne suis pas sûr qu'on avait bien tout prévu, mais en tout cas, tout ce qu'on avait prévu a marché. Quoi. Bon, donc, ok, oui, parce que c'est quand même une grande première, hein, effectivement, cette coopération franco-chinoise. Alors, est-ce qu'on peut parler de CFOSAT ? Qu'est-ce que c'est que ce satellite ? Quel est son but ? Daniel Auzer, là, cette question, elle est pour vous quand même. Voilà, son but, c'est de mesurer plusieurs paramètres, plusieurs variables qui caractérisent la surface de l'océan. Donc les vagues, mais les vagues, c'est un terme générique, donc il faut savoir décrire ce qu'on veut mesurer. Donc c'est des choses plus précises que ce qu'on a actuellement à notre disposition. C'est des paramètres sur les vagues qui sont, alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, leur longueur d'onde, leur direction, leur hauteur ou leur énergie. Et puis c'est si le vent de surface, et donc avoir des mesures en même temps, dans des zones colocalisées en même temps, à la fois du vent et des vagues qui ne sont pas forcément générées par le vent local, qui parfois se déplace sur des très grandes distances. Alors là, elle était très très longue cette phrase. Alors on va essayer de la découper en plein de petits morceaux. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que par le passé, jusqu'à CFOSAT, ce qu'on arrivait surtout à savoir, c'était la hauteur des vagues. On avait surtout accès à ce paramètre-là. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est ça. Donc le paramètre le plus couramment utilisé pour les vagues, parce que ça vient des missions dites altimétriques, dont certaines ont été évoquées par Patrick, c'est la hauteur des vagues. Donc c'est en gros la hauteur moyenne des vagues. La hauteur moyenne, évidemment. Voilà. Pour accéder à d'autres paramètres qui sont très importants, il faut plus d'informations et des instruments un peu différents. Alors on a quelques informations à partir des satellites européens, par exemple, qui font de l'imagerie de la surface, mais qui sont relativement limitées. Donc CFOSAT va apporter plus d'informations, plus de précisions sur cette mesure de direction et de longueur d'onde pour ce qui concerne les vagues. Alors peut-être qu'on peut passer, on va regarder le petit document là, et en page 3, peut-être que vous pouvez, de votre petit... document, ouais. La question. Votre... Voilà, alors peut-être que tout le monde sait ce que c'est qu'une longueur d'onde, mais en tout cas... Non, pas tout le monde. Une onde. Ce que je crois, c'est que tout le monde ne le sait pas, mais ceux qui ne le savent pas le diront pas. Donc autant voilà. Le dire alors, comme ça, on sera tous au même niveau. Une onde, c'est une onde, voilà, c'est quand même intuitif. C'est quelque chose qui... un mouvement qui est régulier et qui passe par des hauts et par des bas, comme vous le voyez sur cette figure, et avec des crêtes et des creux. Et la longueur d'onde, ça va être la distance entre deux crêtes ou deux creux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La hauteur, ça va être la distance entre le plus bas et le plus haut. Et puis, alors là, c'est une image où voilà, il n'y a qu'une seule onde et ça se déplace dans une seule direction. Mais dans les faits, voilà, il y a des superpositions d'ondes dont on pourra revenir. Il y a des superpositions de vagues. Voilà. C'est-à-dire qu'en un point de la surface... vous croyez voir qu'une grande vague qui vient toujours régulièrement... Quand je suis sur la plage, les vagues viennent toutes, en général, à peu près de la même direction, non ? Alors, sur la plage, c'est exact, parce que de toute façon, elles déferlent à la côte, donc elles ne vont pas venir d'ailleurs. Mais en pleine mer, de toute façon, il y a effectivement une superposition. Il y a des vagues qui ont des grandes longueurs d'onde, donc les grandes distances de crête, qui sont ce qu'on appelle la houle, et qui se propagent depuis des distances très lointaines par rapport à là où elles ont été créées. Des milliers de kilomètres. Ouais. Et puis au même endroit, si le vent souffle, il va y avoir aussi des vagues plus courtes, qu'on va appeler la mer du vent. La mer du vent. Il y a la houle et la mer du vent. Voilà. Ah, c'est vraiment deux types de vagues dont on va pas arrêter de parler ce soir. Voilà. Et puis le petit schéma en dessous, à côté, c'est pour vous expliquer que, en fait, l'onde se propage. Ça veut dire que l'énergie de ces vagues va se propager à travers le bassin océanique. Mais en local, vous le savez, si vous mettez un bouchon à la surface de l'eau, il reste presque toujours au même endroit. Mais il décrit quand même un petit mouvement circulaire que vous voyez sur ce schéma-là. Il Parce monte, que il descend. Le schéma, donc, c'est le schéma du bas, en bas à gauche. Et là, on est là, il y a le fond de l'océan tout en bas, d'accord. Voilà. Alors, quand l'océan est très profond, ces petits mouvements de vagues ne sont pas perturbés et tout va se passer en surface. Par contre, quand on arrive à la côte et que les fonds océaniques remontent, ces petits mouvements là que vous voyez, les petits cercles, ils vont se resserrer et puis ils vont toucher le fond. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les vagues vont devenir de plus en plus raides. Et elles vont finir par déferler. Raide, c'est leur pente hein, c'est qui devient de plus en plus raide. Voilà. Elles se cabrent, elles deviennent instables et ça déferle, comme vous savez, au bord de la plage. Une vague qui se cabre de plus en plus, hein, dont la pente augmente, elle finit par casser et déferler. Voilà. Alors ça peut arriver aussi en pleine mer, les vagues extrêmes qui déferlent, bien sûr. D'accord, donc ça, ce sont les vagues. Donc on avait surtout accès à la hauteur avant CFOSAT. Maintenant, on va avoir accès à la longueur d'onde, à la direction aussi des vagues. Et on a compris qu'en un point de l'océan, on peut avoir des systèmes de vagues qui viennent de directions différentes. On va en voir à d'autres moments. Vous vouliez nous montrer quelque chose, Daniel Ozer ? On peut continuer, allons-y. Sur la page 5, Attends, par vous avez du papier qui va dans la... C'est pas grave. Dans les crevettes. Alors la page 5 qui n'est pas très bien imprimée, mais vous voyez des tas de trajets. C'est très joli. Le trajet suivi par des vagues qui ont été générées dans la zone rouge, qui est une zone de tempête dans l'hémisphère sud. Donc on est dans l'hémisphère sud, il y a une tempête et c'est à l'endroit des tempêtes en général que sont générées les vagues, hein, c'est voilà, ça ? Voilà, ouais. C'est bien ça. Mais ces vagues, au début, sont générées, elles sont plutôt de courtes longueurs d'onde, c'est ce que j'ai expliqué. Mais donc au très cours rapprochées du... les voilà, unes très des autres. Mais au cours du temps, il y a une transformation et elles vont être de plus en plus grandes longueurs d'onde. Et quand elles sont de plus grandes longueurs d'onde, elles vont plus vite. L'énergie se propage plus vite. Et elle va se propager. Plus elles sont grandes. Plus les crêtes sont lointaines les unes des autres, plus ça va vite. Voilà, plus ça va vite. Ah, et ça va vite, ça veut dire qu'elles vont s'échapper de la zone qui les a générées, parce que cette zone de tempête, elle bouge un peu, mais elle va bouger moins vite que les vagues qui se propagent. Et donc ces vagues, et elles sont générées par. Les vents tournent autour de ces zones de tempête, et donc elles vont se créer avec des directions variables. Et une fois qu'elles sont créées et qu'elles s'échappent de la tempête, elles sont libres de se propager à travers des grands bassins océaniques tant qu'elles ne rencontrent pas des îles, des courants, d'autres tempêtes, etc. Et donc sur ce graphique, vous voyez les trajectoires de ces vagues. Donc ça a été fait à partir d'autres données satellites, à partir d'un autre satellite un peu différent de CFOSAT. Et en couleur, la couleur indique le nombre de jours après la génération de ces vagues. Donc vous voyez que on retrouve ces vagues jusque les côtes de l'Alaska. Là, on est dans une couleur jaune et même rouge. Jaune et rouge, on les retrouve 12 jours plus tard. Voilà, elles ont été créées dans l'hémisphère sud et on peut en retrouver un certain nombre dans l'hémisphère nord, 12 jours plus tard à travers le Pacifique. Elles se propagent complètement. Alors Patrick Castillon, avant que vous ne preniez votre bouchée de salade, parce que là sinon ça va être compliqué. juste une petite chose quand même. Donc on va avoir accès à une foule d'informations différentes. Donc non seulement la hauteur des vagues, mais aussi leur longueur d'onde, leur direction. Alors, on comprend que les scientifiques soient passionnés parce qu'évidemment, ça leur donne beaucoup d'informations. On voit bien que Daniel Auzer est absolument spécialiste de tout ça. Mais au final, l'intérêt d'obtenir ces informations, quel est-il ? L'intérêt d'obtenir ces informations, il est lié aussi à l'intérêt d'obtenir une autre information qui est donnée par l'autre instrument. Et l'autre instrument qui est chinois... qui s'appelle SCAT, hein, qui est un diminutif de scatérométer, qui est aussi un radar, mesure les vents. Et donc mesure les vents de surface en mesurant leur intensité et leur force. Et donc l'intérêt, c'est que en un point donné du globe, à un instant donné, on a une mesure des vagues, c'est-à-dire de leur hauteur, de leur hauteur, de leur longueur d'onde, de leur direction, mais aussi de l'intensité du vent et de sa direction. C'est une grande première. Et la première, elle est là, en fait. Hein. Enfin, elle est sur la mesure des vagues. C'est une première dans une première, mais la première, elle est sur l'instrument SWIM qui mesure les vagues de cette façon-là. On va y revenir sur l'instrument SWIM, ouais. La colocalisation de ces deux mesures va donner à nos amis scientifiques accès au couplage entre le vent et les vagues. Donc c'est ça l'information importante et un peu gourmande là que tout le monde attend. Quoi. L'information parce gourmande. Parce que cette information, on l'avait auparavant, mais jamais colocalisée et jamais colocalisée au même moment. Puisqu'on avait un satellite qui passait sur une zone qui mesurait le vent, un satellite qui mesurait la hauteur des vagues, mais quelques heures, quelques jours plus tard, donc... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais ça me paraît difficile de faire des corrélations. Plus le temps passe, plus ça me paraît difficile de faire des corrélations. Quoi. Alors, les vagues et le vent, Daniel Auzer, ça, c'est très important d'avoir les deux en même temps sur un même point. Oui, parce que déjà, localement, c'est le vent qui va créer à l'origine les vagues. Donc, il faut qu'on comprenne mieux et qu'on représente mieux dans les modèles la vitesse à laquelle elles vont se former, leur énergie en fonction de l'évolution du vent. En particulier, il y a des cas qui sont encore très très mal représentés, assez mal représentés, ce sont les cyclones par exemple, toutes les cyclones tropicaux ou tempêtes extrêmes où les vents sont tourbillonnants autour de ces zones de cyclones et les vagues vont être générées par tous ces vents et partir dans différentes directions et interagir entre elles. Donc là, ça va être assez intéressant d'avoir ces deux types de mesures en même temps. Et ensuite, il y a d'autres sujets qui sont peut-être plus prospectifs, qui sont tout ce qui concerne les interactions entre l'océan et l'atmosphère d'une manière générale. L'atmosphère, bon, il y a des vents, vous savez, des systèmes atmosphériques qui vont avoir des caractéristiques de tempête ou pas, des grands anticyclones, des dépressions. Et l'océan il répond à ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est-à-dire que le vent, il frotte sur l'océan et il va transférer une partie de son énergie dans l'océan, d'une part à travers les vagues et d'autre part par directement le frottement. Et la part de ce qui va directement dans les vagues et puis se propage, ce qui est dissipé, ce qui va directement du vent dans l'océan, elle n'est pas très bien représentée ou elle n'est pas très bien connue. Donc avoir les deux, c'est très intéressant pour ces aspects-là. Pas bien représentée, ça veut dire pas bien connue, pas bien décrite mathématiquement ? Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc on espère pouvoir décrire tout ça de façon mathématique, oui. Physique, oui. Évidemment. Oui, et donc oui. Pouvoir injecter cette connaissance dans des modèles de description de la manière dont se génèrent voilà. Ces ouragans, etc. Voilà. Ouais. Et comment ça va influer sur les zones proches de la surface, directement en dessous de la surface. Parce que les vagues, comme je vous ai montré, il y a des mouvements orbitaux, on appelle ça les mouvements orbitaux, les petits cercles. Mais il y a aussi une petite dérive qui est créée et qui va modifier les courants océaniques. Donc on voudrait comprendre ça. Les vagues, il y a des liens entre le vent, les vagues et les courants. Et l'océan. Mais les courants ne sont pas forcément dans le sens des vagues, ou les vagues ne sont pas forcément dans le sens du courant. Non, d'accord. C'est exact. Ouais. Oui, ils ne sont pas forcément dans le sens du courant. Alors là, quand il y a des grandes zones de courant, comme le Gulf Stream, par exemple, et qu'il y a des vagues qui vont traverser cette zone de Gulf Stream, ou un autre courant important, eh bien, elles vont changer aussi de propriété. Elles vont se réfléchir à la manière un peu d'un rayon lumineux. Se réfléchir. Hein, ouais. Réfléchir ou réfracter. Sur le courant. Oui, sur le courant. C'est-à-dire hein, que ça peut être comme si elles butaient sur le courant. Absolument. Ah, elles peuvent changer de direction, le traverser, changer un petit peu de direction. Ah, oui. On va appeler ça de la comme de quand la lumière traverse exactement. Un du verre, par exemple. Exactement, ouais. De la réfraction ou de la réflexion, comme ce qui se passe avec des rayons optiques. Et en faisant ça, elles vont échanger de l'énergie. C'est-à-dire une partie de l'énergie qui était dans les vagues va passer dans les courants également. Une partie de l'énergie qui était dans les vagues va passer dans les courants. Donc évidemment, il y a des échanges entre tout ça. Donc on voit effectivement toute la complexité de ce système océanique, du couplage entre l'océan, l'atmosphère. Et c'est à tout ça que vous vous attaquez. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle des applications concrètes, Patrick Castillan. Au bout du bout, qu'est-ce qu'on peut en espérer ? Alors... En recherche, aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près compris. Effectivement. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour parler des applications, parce que les applications, vous savez, c'est un peu le principe de Google Maps. Quoi, hein. Quand on a sorti les images Google Maps, on ne savait pas quoi en faire. C'est vrai. Hein, si ce n'est pour regarder sa maison, sa piscine, pour ceux qui en ont, etc. Puis les applications sont venues derrière. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on ne saurait plus se passer de la cartographie satellite pour nos systèmes de GPS et autres. Donc, aujourd'hui, les applications telles qu'on les conçoit, elles sont à court terme faire de la météo marine. Sur le court terme, faire de la météo marine, c'est sûr, puisqu'on aura l'état de mer à un endroit donné et à un moment donné. Donc, l'état de mer, c'est-à-dire la hauteur des vagues, ce genre de choses. Hein. L'état de la mer, c'est la hauteur des vagues, leur direction et la vitesse et la force du vent. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'état de mer. Donc sur le court terme, c'est essentiel. Hein, quand sur le navigue, court terme, c'est la météo marine. Donc ouais. La météo marine derrière toutes les applications qui vont derrière, hein, le transport maritime, et puis tout ce qui est lié à la mer. Et ensuite sur le long terme, aujourd'hui, ce qu'on voit, enfin ce qu'on espère en tout cas, c'est plutôt à Daniel de vous l'expliquer. Des gens comme Météo France, des agences météo, comment ces gens-là vont réfléchir, améliorer leur modèle d'océano, leur modèle climatique, et en déduire une meilleure prévision climatologique sur le long terme. Et puis sans doute regarder un peu vis-à-vis du changement climatique, puisque c'est malheureusement à la mode ce que ça pourrait apporter, quoi. Mais je suis sûr et certain qu'il y aura des dizaines d'applications dont on est incapable de parler aujourd'hui, quoi. C'est vraiment les données qui tireront les applications et pas l'inverse. Donc ayons les données, transformons-les, alors les données un peu brutes, hein, si je puis dire, c'est-à-dire les données radar, on va les transformer en informations utiles, hein, sur l'état physique de la mer. Et puis, une fois qu'elles seront là, ces informations, on va bien voir comment la société, les start-up, etc., peuvent éventuellement s'en emparer pour créer des applications utiles. OK. Moi, j'ai envie de m'arrêter là un petit moment pour vous passer le micro. On a parlé un petit peu des vagues, on a parlé des applications, il y a encore pas mal de choses. Et si tout ça vous a donné envie de discuter directement avec Daniel Auzer ou Patrick Castillan, je viens jusqu'à vous, même tout au fond d'ailleurs là-bas. Voilà, bonsoir. voilà, j'ai une petite question technique. Alors juste avant de vous passer le micro... Est-ce que vous êtes bien au Lutèce ? Parce que vous êtes un habitué, vous ? Oui, oui, j'étais un habitué du Café du Pont-Neuf, d'accord. Depuis des années, d'ailleurs. Donc, on est pas mal, là, au Lutèce ? Oui. Bon, moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, allez-y pour votre question. Oui, alors, c'est concernant les orbites. Moi, j'ai l'habitude des orbites géostationnaires, des orbites basses, des orbites hautes, enfin, tout ce qu'on voit. Mais là, orbite héliosynchrone, est-ce que c'est une orbite qui est orientée par rapport au rayonnement du Soleil ? C'est ça que je voulais savoir, là. Alors l'idée, c'est d'aller page 2, probablement, voilà. Si vous voulez bien aller page 2 de notre petit livret. Effectivement, on a des descriptions là sur notre satellite, CFOSAT. On nous dit une altitude de 520 km et surtout une orbite héliosynchrone. Alors ce qui définit l'orbite héliosynchrone, c'est surtout non pas l'altitude, mais l'inclinaison. Hein. Et donc c'est une orbite qui est à environ 98 degrés d'inclinaison. Hein. Donc on passe presque par les deux pôles. Quasiment au pôle. Aux deux pôles. Et ouais. on passe sur les deux pôles à chaque orbite. Enfin, quasiment sur les deux pôles à chaque orbite. Et l'intérêt, oui, vous avez raison, hein, l'intérêt de l'orbite héliosynchrone, c'est de pouvoir obtenir un éclairement constant du satellite et donc d'avoir quasiment, de n'avoir quasiment aucun phénomène d'éclipse. Ce qui, pour la gestion de la puissance, de l'alimentation et de l'électricité à bord, est quelque chose de beaucoup plus simple. Il faut savoir que les radars sont des équipements qui sont assez gourmands en puissance, donc on a tout intérêt à maximiser l'exposition des générateurs solaires au soleil pour recharger la batterie en quasi-permanence, quoi. Donc on est en permanence en visibilité du soleil, oui. Et toujours avec... Oui. Ouais. Alors après, il y a aussi le fait que l'angle... ça devient un petit peu plus compliqué. L'angle que l'on fait avec le soleil est constant. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de tourner les panneaux tellement. Non, ouais. Non. On n'a pas besoin d'avoir de mécanisme d'orientation des panneaux. C'est cette simplicité-là, voilà. Qu'on cherche et on choisit, sur une orbite. Et on choisit, pour finir, on choisit ce qu'on appelle une heure locale. On choisit un plan orbital qui est quasi perpendiculaire au Soleil pour justement ne pas avoir ce phénomène d'éclipse. Et aujourd'hui, là, on est sur un plan 7h-19h. Donc, Ça fait un plan qui est quasi perpendiculaire au Soleil et c'est ce genre de plan-là qu'on choisit dès qu'on a des choses comme des radars. C'est quelque chose d'assez courant. 520 km d'altitude. Alors, les 520 km d'altitude, c'est de l'orbite basse, hein. C'est de l'orbite basse. C'est de l'orbite... Il y a deux inconvénients à utiliser une orbite comme ça. Premièrement, c'est que plus on est bas, plus on frotte. Hein, même si le frottement n'est pas très important. Plus on frotte sur l'atmosphère, il y a encore de l'atmosphère. On frotte là. Sur des résidus d'atmosphère. Ce qui fait que plus on frotte et plus on va être obligé de temps en temps assez souvent de faire des manœuvres de correction pour remonter le satellite et le remettre. On frotte, donc on se ralentit et quand on se ralentit, on descend. Alors, c'est paradoxal, mais quand on descend, on accélère. Donc, plus on frotte et plus on va être obligé d'augmenter la fréquence des manœuvres pour remonter sur l'orbite nominale. Et le deuxième inconvénient qu'on a sur ces orbites-là, c'est qu'on a ce qu'on appelle de l'oxygène monoatomique qui endommage un peu les satellites parce que c'est très agressif. Quoi. Il se produit au moment du frottement, c'est ça ? Oui. Ah, oui, il y en a partout. Hein, donc, Voilà. Bon, par contre, l'avantage qui est non négligeable, c'est que le radar marche très bien à cette altitude-là. Quoi. Ah, c'est ça. Bah, oui. Être, bah oui, il faut bien qu'il y ait quand même quelques avantages. On veut être près du sol, c'est ça l'idée ? Bah, on veut être à la distance optimale du sol, oui. Alors, si on regarde, donc, orbite héliosynchrone, qu'est-ce qu'on disait encore ? Ah oui, couverture globale en 13 jours, ça, c'est ce qui est représenté avec l'image en bas. Hein. On voit qu'en 13 jours, effectivement, on a couvert l'ensemble du globe terrestre. C'est-à-dire que tous les 13 jours, on repasse au même endroit, pour faire simple. Voilà, c'est ça. Et puis donc, la page 3 vous indique qu'il y a aussi deux instruments différents sur lesquels on va revenir, SWIM et SCAT. Daniel Ozer, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter que le choix de l'orbite, il était également guidé effectivement par la demande scientifique. Alors d'une part, pour avoir un radar, ça émet une onde électromagnétique et ça reçoit également ce qui est réfléchi par la surface. Et il faut qu'on ait assez d'énergie qui revienne. Et il y a certaines limites dans l'émission, dans la quantité d'énergie qu'on peut émettre. Donc pour avoir une quantité d'énergie réfléchie par la surface, il ne faut pas être trop haut. Donc c'était la première condition. Et la deuxième condition, c'est la géométrie de l'instrument SWIM dont on parlera après, qui regarde pas sous le satellite, mais un peu en incliné, à 10 degrés d'incidence, 10 degrés par rapport à la verticale, et qui effectue des balayages circulaires. Et plus on va monter, plus le cercle de ces balayages va être grand. Et donc on voulait choisir, avoir un compromis pour qu'il ne soit pas trop grand, parce que s'il est trop grand, l'information qu'on va déduire sur les vagues ne sera peut-être pas homogène. Si on décrit un cercle qui est de l'ordre de 100 km, on va supposer que ce qui se passe sur la vague est à peu près homogène à cette échelle-là. À l'échelle de 100 km, voilà. C'est à peu près homogène, oui. Voilà. Et si on suppose qu'on double cette orbite, cette altitude de l'orbite, si on était à 1000 km, ce qui aurait pu être possible éventuellement, ça veut dire que c'était plus 100, mais c'était 200 km. Et là, ça devenait quand même problématique de faire ces hypothèses pour la mesure des vagues. CFOSAT mesure les bas et les hauts. Il fait tout ça aussi bien qu'un couturier pro. C'est le Pierre Cardin de la mesure du bassin. Depuis le ciel, il a coupé les vagues et le vent. Il y a des vagues même en pleine mer, car elles sont les filles du vent. Cyclone, tourbillonne, déferlement. Il y a des vagues même en pleine mer, avec le vent il y a des frottements, des mouvements orbitaux, c'est excitant. Il y a des vagues même en pleine mer, car elles sont les filles du vent. Cyclone, tourbillonne, déferlement. D'autres questions ? Remarque, je viens jusqu'à vous. Bonsoir. Vous aviez parlé de différence de philosophie entre les Français et les Chinois. Est-ce que vous pourriez donner des explications là-dessus ? Vous avez prévu de rentrer à quelle heure chez vous là ? on a des différences assez conséquentes là entre Français et Chinois. Avant qu'on commence sur les différences, j'ai envie de vous poser une question. C'est, est-ce que ça s'est bien passé ? Oui. Oui, ça s'est bien passé parce que les deux parties voulaient que ça se passe bien, parce que d'abord on avait des professionnels des deux côtés, donc on est là quand même pour ça, et puis aussi parce que les Chinois, enfin en tout cas les nôtres, hein, moi je ne suis ni ethnologue, ni sociologue, ni quoi que ce soit, donc... Je ne parle que des Chinois que je connais. Donc les Chinois qu'on avait en face, c'était des gens charmants, donc qui défendaient leurs intérêts, qui faisaient des compromis, mais bon, voilà, tout comme nous. Donc oui, ça s'est bien passé et ça s'est même très bien passé. On a même noué des relations qui sont quasi amicales, oui. Super, ouais. super. Alors, il y avait des différences quand même, donc après, dans les manières d'agir, de travailler, alors, de concevoir le travail. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas généraliser là, ce qu'on dit on ce soir. On parle bien, hein, voilà, de vous, votre expérience, voilà, avec CFOSAT. Je disais des relations quasi amicales, c'est quasiment un prérequis là, avec nos amis, de passer d'abord par la relation amicale avant de passer par la relation professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à se connaître pour pouvoir bien travailler. Oui. À la différence de... Moi j'avais une expérience américaine auparavant et un Américain, vous travaillez, business is business, bon, on travaille, on s'aime, on se hait, mais on avance, quoi. Avec nos amis, là, c'est un petit peu différent, quoi. On sent bien qu'il y a d'abord tout ce travail de je sais pas quoi, de rodage, d'approche, d'adaptation, de domestication, de l'un par l'autre. Et on discute, et on boit le thé, et on... Pas que du thé, d'accord. Non, d'accord. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on boit quand on boit pas du thé? On boit du vin. Ouais. On boit du vin chinois, qui est plutôt pas mauvais d'ailleurs. Ok. Voilà, donc on sent bien qu'il y a cette phase d'approche là où... Et puis une fois que vous avez donné des gages de fiabilité, de sincérité, de compétences, on passe dans un autre monde et on peut commencer à travailler et à bien travailler. Auparavant, on travaille autre, quoi. Donc il y a cette phase préliminaire. Ça, c'est plutôt... c'est pas désagréable, quand même, cette façon Nous, Français, ça nous va bien. Moi, je suis pas sûr que nos amis américains s'y retrouveraient, mais nous, Français, je pense que ça nous va bien. Je suis pas sûr que ce soit spécifique aux Chinois. Hein. Je pense que tous les Orientaux, quels qu'ils soient là, ou même les moyens Orientaux, sont comme ça. Hein. Donc, j'ai une autre petite question, quand même, parce que vous dites, voilà, j'ai travaillé pas mal avec les Américains. Et puis vous vouliez changer un peu d'univers. Et là, tout à trac, on vous dit, vous allez travailler avec les Chinois, c'est ça? C'est mon directeur qui m'a pris au mot parce que je lui avais dit, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire après Calypso là? Je lui ai dit, j'aimerais bien faire autre chose que les Américains, changer un peu. Et quand il m'a proposé ça, je lui ai dit, là pour le coup. Bon voilà, donc j'ai... Vous connaissiez la Chine, vous connaissiez la culture? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais jamais mis les pieds en Chine, jamais mis les pieds en Asie d'ailleurs. Ah bon? Si ce n'est sur la rive droite du Bosphore, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc... c'était le grand plongeon, là. Voilà, c'était le grand plongeon, mais c'est ça qui est bien. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Alors les différences là, de conception. Alors des différences de, travail... de conception de travail. Alors culturellement, on est très différents, ça c'est évident pour tout le monde. Hein. C'est pas un scoop. La culture chinoise est très différente de la culture française. Il y a une vraie culture chinoise. Elle est millénaire, hein, donc voilà. Et après dans le travail, moi ce qui m'a le plus marqué, ce qui nous a le plus marqué, parce qu'on était quand même une équipe, ce qui nous a le plus marqué, c'est la relation que ces gens ont au temps, le temps. Nous, on a une relation au temps qui me paraît simple parce que c'est dans ma culture. Je veux dire, le temps, il est le futur, il est devant. Le moyen le plus court pour aller de maintenant à là-bas, c'est la ligne droite. Et on essaye de faire en sorte que la ligne, elle soit quasi droite en essayant de prévoir tout ce qui pourrait l'incurver à droite, à gauche, tout ce qui pourrait être un aléa, tout ce qui pourrait être nous ralentir, etc. Bon, je schématise un peu, mais... On planifie, là, pour le coup. On planifie, ouais. On prévoit, on envisage les cas dégradés, on fait des analyses, on réfléchit beaucoup. Je ne crois pas que les Chinois fonctionnent comme ça. Enfin, sur ce que j'en ai compris, j'ai pas l'impression que le temps, le futur, soit devant chez eux. Le futur, il est quelque part autour. Et j'ai l'impression que pour eux, le temps est plutôt circulaire, quoi. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on a un problème. Mais aujourd'hui, c'est peut-être... Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en ce moment. Hein. En ce moment, c'est peut-être pas le bon moment parce que le contexte ne s'y prête pas. Pas le bon moment pour quoi? C'est pour peut-être le régler? Pas le bon moment pour essayer de résoudre le problème. Donc le problème, on le laisse vivre. Et puis le temps faisant son œuvre, il arrive un moment où ça devient le bon moment. Alors, c'est subtil. Hein, quand on est français, le moment où ça devient le bon moment, on ne le voit pas. Hein. Donc, et puis, voilà. Et là, bon, ben, nos amis se mettent en marche. Voilà, ils travaillent et ils résolvent leurs problèmes. Plutôt bien, d'ailleurs, parce qu'ils sont très pragmatiques. Et puis, voilà, on passe à autre chose. Et on a résolu le problème avec probablement moins d'efforts que ce qu'on aurait utilisé nous, pas dans le même timing, pas avec la même méthode. Bon, c'est deux méthodes qui se télescopent un peu, hein, vous avez bien compris, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre en même temps, c'est ça ? Il faut se mettre d'accord, quoi. Voilà, donc nous, on les pique en permanence en disant « mais alors ?» Et puis ils nous disent « oui, on va s'en occuper quand ça sera le moment, quoi. » Et bon, c'est sujet à des tensions quand même, hein, surtout au début. Forcément. C'est quoi ces guignols, quoi ? Oula ! Puis eux, ils nous disent « mais c'est quoi ces emmerdeurs, quoi ?» c'est un peu ça. C'est un raccourci. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un raccourci. Donc, ce rapport au temps, il est présent partout. Hein. Sur la façon, essayer de faire un planning avec nos amis, là, c'est mission impossible. Mission impossible. On a passé des années à essayer de faire des plannings détaillés. Et puis, on a fini par renoncer. On a fait des plannings pour nous. Et puis, on interfaçait de la meilleure façon possible avec eux. Mais vous m'avez dit qu'une fois, vous avez passé 2 jours à faire un planning pour que, une fois que le planning était fait, ils vous ont dit... Ah ben, ils nous ont dit... je sais pas, on va dire qu'on était le vendredi, on a fini le planning le vendredi. Donc on a fait le planning à 2 mois, hein, en 2 mois d'opération, là c'est assez long à faire. Et puis le mercredi d'après, ils nous ont dit « Ah ben là, on a 3 jours fériés, 3 jours de congé. » C'était prévu ? Ben oui, c'était prévu. Ben pourquoi vous n'en avez pas parlé au planning ? Ah ben on n'a pas pensé. Ben, ça donne une idée de l'importance qu'ils attachent à la chose, quoi. Ce sont des gens très intelligents, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein, donc, ils ont souvent fait ça pour nous faire plaisir, aller dans notre sens, mais au fond, bon, l'enthousiasme était poli, quoi. Était poli, d'accord. Voilà, ça c'est quand même des bons exemples. Il y a quelques autres exemples, hein, sur les différences de culture et de manière de travailler entre les Chinois et les Français. Alors Michel a toujours des questions. Et alors, pour la première fois, Michel, pour venir te voir, je vais descendre quelques marches et je vais en monter d'autres. Et ben, il a remonté quand même parce que sinon on ne va pas se rejoindre. Non, j'ai raté quelques minutes, mais je n'ai pas l'impression que ça a été abordé. Mais d'abord, sur ce qui vient d'être dit, je me souviens d'une phrase prononcée par je ne sais plus quel homme politique français. Il n'y a pas de problème si compliqué qu'une absence d'action ne finisse par résoudre. Donc finalement, peut-être qu'il était un peu chinois sans le savoir. Si c'est Monsieur Raffarin, c'est sûr. Hein. Oh non, c'est parce beaucoup que plus vieux. Lui, c'est il est très chinois. C'est beaucoup plus vieux que ça. C'est beaucoup plus ancien, mais je ne sais plus qui c'était. Je ne devais pas être né à l'époque. La question, c'est une coopération franco-chinoise dans ce domaine, c'est un peu inattendu. Alors je me demandais ce qui avait fait ça, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que les Chinois coopèrent avec, mettons, les Européens ou les Américains, on les met de côté, effectivement. Mais pourquoi spécifiquement français ? Est-ce qu'il y avait une complémentarité technique ou un projet d'une initiative particulière ? Parce que ça m'intrigue un peu, voilà. Quel que soit le résultat, probablement intéressant en effet, mais c'est inattendu. Alors, moi, Daniel complétera parce qu'elle était là avant moi, hein, mais y a d'abord une complémentarité politique. C'est clairement un projet qui a été initié, je ne sais pas, mais en tout cas fortement soutenu par le ministère des Affaires étrangères, quoi. C'est d'abord une coopération politique avant d'être une coopération technique. À partir du moment où les deux gouvernements se mettent d'accord pour faire une coopération et de coopérer sur une application, une mission scientifique satellitaire, là, les agences prennent le relais et disent bon, bah, voyons ce qu'on a dans les cartons. Les agences, c'est le CNES. Le CNES, oui. Le CNES et la CNSA, hein, l'agence chinoise. China National Space Administration. Donc les agences se prennent le relais et essaient de voir ce qu'elles ont respectivement dans les cartons et qui pourrait satisfaire l'un et l'autre pour monter une mission ambitieuse, parce que c'était ça le but, hein. Il n'était pas question d'afficher ou de faire une coopération franco-chinoise et surtout une première pour faire quelque chose qui était déjà fait. La volonté politique était de faire quelque chose, une première. Donc d'abord politique, ensuite technique et technologique. Et à partir de là, y a tout un processus d'accord qui se met en branle et qui s'en mange. Je peux compléter un petit peu sur l'historique. Oui, le projet, il a démarré avec les Chinois. Parce qu'au début, on a dit ce projet date d'il y a 20 ans ou plus. En fait, le concept avait été proposé il y a plus de 20 ans, oui. Par vous ? Oui, mais le projet avec les Chinois, il ne date pas de si longtemps. Il date de 2005, si ma mémoire est bonne. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu un accord franco-chinois qui a porté d'ailleurs pas seulement sur cette mission, mais également sur une autre mission sur une mission en astronomie. Donc ça a été une double décision politique. C'est une époque où les Chinois, au moins pour ce qui concerne l'observation de la Terre, toutes les missions d'observation de la Terre, c'est à peu près à ce moment-là que ça s'est mis à exploser. C'est-à-dire qu'ils en avaient ils en avaient quand même assez peu avant. Et à partir de 2005-2006, ils ont cherché à développer leur capacité autonome ou non, à lancer des satellites et à exploiter ces satellites pour l'observation de la Terre dans différents domaines, en océanographie, en hydrologie et d'autres domaines encore. Et donc ça a correspondu, je pense, à un moment donné où les Chinois cherchaient aussi des collaborations pour rentrer dans ce domaine où ils étaient peu avant. Il me semble qu'à la même époque, ils ont lancé une coopération avec le Brésil. Je ne suis pas absolument sûr, mais il me semble. Et puis après, il y a eu surtout, effectivement, CFOSAT avec la France. Et maintenant, dans le même temps, d'ailleurs, ils ont développé aussi des satellites tout seuls, sans coopération, pour l'observation des océans, des continents, etc. C'est à peu près en même temps qu'ils ont eu une envolée de développement de satellites en tout genre pour l'observation de la Terre et sans doute pour l'astronomie, mais là je connais moins. Juste pour finir, le programme spatial chinois, moi je ne le connais pas bien, mais sur ce que j'en ai vu, il est impressionnant. Ils sont présents. Programme spatial global, vous voulez dire? Oui, global. Ils sont présents partout. Hein. C'est dans l'observation de la Terre, dans la science, dans l'exploration planétaire, Mars, la Lune, la station, c'est vraiment tous azimuts. Quoi. Et puis tous azimuts avec des programmes significatifs. Hein. Là, on a Chang'e 4 là, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune, qui, avec à la fois un rover, un atterrisseur, un rover, un satellite relais qui tourne autour de la Lune pour transmettre les données. Ouais, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils réussissent à faire. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette la manière dont ce programme s'est décidé? Donc vous, années 90, Daniel Auzer, vous avez cette idée, il y a un instrument qui vole là sur un avion, un radar pour les vagues, et vous vous dites, voilà, pourquoi est-ce qu'on le spatialiserait pas? Donc vous proposez cette mission, comment est-ce qu'elle est accueillie? Voilà, on la propose dans un contexte qui est toujours le même pour la communauté scientifique, c'est-à-dire que le CNES fait des appels à manifestation d'intérêt tous les 4 ou 5 ans au moment de ce qu'on appelle la prospective du CNES. Et c'est dans ce cadre-là que je l'ai proposé, je ne sais même plus en quelle année. Et puis, elle avait été évaluée par des comités indépendants comme étant intéressante. Ensuite, elle a été portée, mais il n'y avait pas d'opportunité, disons, financière de la faire à ce moment-là. Une recommandation de l'ouvrir à une communauté plus large que la communauté française. Donc, elle a ensuite été proposée à l'Agence spatiale européenne, à l'ESA, où là aussi, elle a été bien évaluée. Mais c'est pareil, le contexte, il y a eu d'autres missions qui auraient été choisies, qui auraient été décidées comme étant plus prioritaires. Donc elle était restée un petit peu en suspens jusque dans les années 2003-2004. Et puis effectivement, la combinaison de ce projet qui était déjà bien défini, hein, parce qu'il y a eu des travaux avec le CNES, avec Alcatel à l'époque, sur le concept de simulation de ce que serait l'observation. Donc la conjonction de ce projet qui était déjà bien mûr, ce concept qui était déjà bien mûr, et d'une opportunité de coopération qui est venue du monde politique, effectivement, a fait que ça s'est décidé comme ça. Quand on arrive en Chine et qu'on est un Français, On doit se faire copain bien avant de bosser. Comparé aux ricains, chez qui tout est business, un simple verre de vin suffit à dire la messe. Alors tous vos repères de temps s'affaissent quand on arrive en Chine. Nous, on prend toujours des lignes droites, on va de l'avant, faut que ça parte. On n'a pas le temps de se prendre du bon temps. Nous, d'autant plus qu'à Toulouse, faut avouer, on a un Templier. On fait des plannings sur les jours fériés. D'autres interventions peut-être ? Je m'excuse, je vais continuer un petit peu sur les relations Chine-France. On a certaines entreprises technologiques qui ont des petites surprises quand elles arrivent en Chine parce qu'elles remarquent qu'elles se font piquer leur brevet ou leur technologie au bout d'un certain temps et qu'après on leur dit au revoir. Quelle est la posture du CNES par rapport à ça ? Est-ce que c'est open bar ? Est-ce que c'est donnant-donnant ? Comment est-ce que vous faites ? Alors je vais vous rassurer très clairement, c'est pas open bar. C'est sûr et certain. Parce que sinon, moi, je serais en prison si c'était open bar. Donc, je ne serais pas là ce soir. Non, open bar, ça veut dire est-ce qu'on partage tout, etc. Non, il y a des... absolument pas. Il y a des savoir-faire qu'on ne partage pas. Ce sont des choses qui sont très encadrées. Je ne vais pas vous donner tous les détails là ce soir, hein, mais... Si vous les donnez, nous, on est prêt à les vendre aux Chinois. Donc, c'est vous qui décidez. Non, c'est des choses qui sont très encadrées, à la fois au niveau gouvernemental et au niveau technique. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On ne partage pas n'importe quoi avec nos amis chinois. D'ailleurs, qu'ils soient chinois ne change pas grand-chose. Hein. Ils seraient américains, ça serait la même chose. Hein. La protection du savoir-faire, elle n'est pas spécifiquement liée à... aux partenaires, hein. Donc la protection du savoir-faire, elle est intrinsèque, quoi. Voilà. Alors, on s'arrange. Le spatial s'y prête assez bien malgré tout, hein, parce que on s'arrange pour construire des satellites ensemble, faire chacun des morceaux. Mais au moment où on définit quel morceau doit faire l'un et quel morceau doit faire l'autre, on réfléchit aussi à ça et on n'imbrique pas les choses et en n'imbriquant pas les choses on se permet de ne raisonner qu'aux interfaces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on a livré un instrument à nos amis chinois qui est quasiment une boîte noire. Aujourd'hui, je suis sûr que nos amis sont bien incapables de vous expliquer comment fonctionne l'instrument français. Et on est bien incapable d'expliquer comment fonctionne l'instrument chinois. Par contre, les interfaces électriques, mécaniques, thermiques, etc., oui, ça, on en a plus que largement discuté, mais là, il n'y a pas... Là, il n'y a rien à sauvegarder. Là c'est du travail normal, du normal work, quoi. Donc, voilà. Le spatial s'y prête assez bien parce qu'on peut se permettre de livrer quasiment des boîtes noires. Et puis aussi, parce que moyennant qu'on prenne les mesures nécessaires pendant qu'on est ensemble, là, pendant un an et demi... en intégration dans les salles blanches, qu'on prenne les moyens nécessaires pour se protéger, nos ordinateurs, nos logiciels, etc. Après, le satellite, il part dans l'espace. Donc, une fois qu'il est parti, ça va être difficile de démonter quoi que ce soit pour faire du reverse engineering, quoi. Voilà. Aujourd'hui, là, on a lancé le 29 octobre... On n'a plus un boulon en Chine, quoi. On a tout rapatrié. On a fait table rase. Ils ont fait la même chose quand ils nous ont livré du matériel. Bon, voilà. Donc ça repose sur évidemment une approche réfléchie et extrêmement balisée. Et quand je vous dis extrêmement balisée, elle est balisée par des gens qui rigolent pas. Donc vous restez à l'intérieur des balises. Qui sont du CNES ? Ce savoir-faire, vous l'avez au CNES ? Non, c'est... Enfin, le savoir-faire... Ouais. Si, il y a le une partie qui est au CNES, oui, et une partie qui est ailleurs. Mais, en matière mais, de voilà. manière de garder le secret... Oui, des gens qui vous expliquent ce qu'on peut faire et pas faire, quoi. Donc, voilà. Et donc, le second point, oui, c'est par nature même, une fois qu'il est parti, il est parti, quoi. Donc, on ne démontera pas l'instrument. Contrairement à un avion qu'on peut démonter, je crois que ça a été fait d'ailleurs. Ça a été fait, oui, pareil. Voilà. Donc, un avion, une voiture, ou je ne sais quoi, là. Il paraît qu'il y a des avions dont Airbus a perdu la trace, on ne sait plus où ils sont. Il y en a un, oui. Et on se dit qu'il doit être en pièce détachée quelque part. Donc le secret, s'il y a un secret, c'est vraiment dans la technologie qui est employée dans ce radar qui est unique en son genre. Ben, c'est technologique au sens large, c'est-à-dire c'est technologique, mais c'est aussi sur les traitements qui sont faits derrière, les traitements de données. Et là, Daniel en parlera bien mieux que moi, quoi. Hein, donc, et c'est des choses, effectivement... Pour ce qui est des traitements de pointe qu'on garde jalousement pour nous, quoi. Et puis, je pense que nos amis chinois font la même chose, quoi. Enfin, je pense, j'en suis sûr même. Hein. Bonsoir, merci. J'ai une question sur la charge utile. J'ai l'impression que des radars dans l'espace, on en a beaucoup et depuis longtemps. Qu'est-ce qui est différent dans ce radar-là par rapport à ceux qu'il y avait avant et qui fait qu'on peut avoir toutes ces informations sur le vent, les vagues et qu'on ne pouvait pas avoir avant ? Alors, le radar pour la partie française, hein, donc, qui mesure les vagues, il y a une partie de la technologie qui dérive effectivement des radars, ce qu'on appelle les missions altimétriques, qui ont été définies pour mesurer la hauteur de la mer et la hauteur des vagues. Mais il y a une partie originale qui est cette antenne, cette géométrie avec un balayage sur 360 degrés. Il y a peu d'instruments qui ont la capacité de faire tourner dans l'espace. C'est compliqué, enfin, ça Patrick pourra peut-être le dire, mais oui, vous voyez ça sur la première page. Il y a peu d'instruments qui... Enfin, c'est compliqué de faire tourner quelque chose dans l'espace, hein, ça demande beaucoup de précautions. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste une seconde justement pour expliquer ce qui tourne? Parce que là, voilà. Si vous regardez donc la page de couverture, on voit effectivement deux instruments. L'instrument à gauche, c'est avec un rayonnement rouge, symbolisé en rouge. Ça, c'est l'instrument chinois, c'est SCAT. Voilà. Ouais. Et puis SWIM, c'est le grand instrument doré. Hein. Ouais. On voit effectivement qu'il y a une sorte d'émission avec plusieurs lumières qui se réfléchissent dans une coupole qui est horizontale en haut et qui renvoie ces émissions vers le sol. Et donc, ce qui tourne, ce sont les espèces de petits... Est-ce qu'on appelle ça des cornets? Oui. C'est la partie la plus basse, oui. Donc ça, c'est une technologie qui n'avait pas été utilisée, je crois, jusqu'ici. Excuse-moi, ça c'est nouveau, là. Je parlais de technologies qui n'ont jamais volé. Pour se comprendre bien, cornets, ce qu'on appelle les cornets, ce sont les espèces de petits... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est des cornets. C'est des cornets de glace. Hein, C-O-R-N-E-T-S. Sans la glace. Voilà, on les voit, là, c'est là où... C'est à l'endroit où ça génère... le rayonnement est généré, le rayonnement... multicolore. On a un plateau tournant qui fait à peu près, je sais pas, un petit mètre de diamètre, sur lequel sont posés des cornets qui sont un peu plus gros que des cornets à glace, mais qui ont la même géométrie, et qui sont disposés géométriquement de façon bien précise. C'est-à-dire qu'il y en a 6 et ils sont disposés à 0 degré, 2, 4, 6, 8 et 10 degrés. Le but étant de venir percuter les vagues avec des incidences différentes. Des incidences, c'est-à-dire des angles. Des angles, pardon. Oui, non, pas de problème, incidence. Des angles d'incidence, voilà. différents pour avoir accès à des propriétés physiques différentes. Alors, si on regarde page 6, on en a une vue un peu plus... On peut d'ailleurs expliquer voilà. Alors, à droite, effectivement... Le petit carré... Voilà, si vous êtes page 6... Il y a le dessin de gauche et la photo de droite. Voilà, allons sur le dessin de gauche. Le dessin de gauche. Le petit carré gris, là, tout en haut, symbolise l'instrument, au sens large. À partir de cet instrument, donc les cornets qui émettent, qui viennent se réfléchir sur la parabole. Alors ça, là, vous êtes passé sur l'image de droite, là. Oui. Donc les cornets, ce sont c'est le petit plateau effectivement qu'on voit, et ça se réfléchit sur la parabole, hein, qui est en hauteur. Voilà. Et qui vient ensuite impacter les vagues avec. Alors le noir, c'est le faisceau 0 degré. Le premier rouge, là, ça doit être 2. Le vert, c'est le 4. Le jaune, c'est le 6. Le bleu, le 8. Et le rouge, le 10. Voilà, vous avez compris. Et on vient comme ça... Ça, c'est le nombre de degrés, hein, d'incidence. Voilà. à la cadence de 6 tours par minute, on vient faire des mesures sur l'océan et on vient mesurer l'onde réfléchie par l'océan qu'on récupère au niveau de la parabole et qu'on mesure à partir de l'instrument. C'est le même principe que le flash du radar sur l'autoroute. Hein. C'est-à-dire que le radar de l'autoroute là, vient vous flasher, là, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du radar. Hein. Il y a une onde réfléchie par votre voiture qui revient vers le radar. Le radar mesure cette onde réfléchie et en déduit votre vitesse et éventuellement d'autres informations dont on se fout ici, mais sur la forme de la voiture, etc. Là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas des voitures, mais des vagues. Donc, c'est bien des ondes radar qui sont produites. Donc, il y a un générateur d'ondes radar. Oui, absolument. C'est ça, un seul. Et ensuite, ces ondes, elles passent par différents cornets, c'est ça ? Absolument. Qui orientent ces ondes radar alors, selon différents angles. Il y a des matrices. L'idée, c'est donc de pouvoir attaquer les vagues selon différents angles, c'est ça ? Pour avoir une image de leur géométrie ? C'est exactement ça, oui. On vous a interrompu, Daniel Ozer. Oui, c'est pour avoir une image... Enfin, l'image de leur géométrie, elle sera à peu près la même, mais c'est aussi pour avoir une meilleure couverture, parce une couverture de la zone qu'on veut explorer, de manière à ne pas laisser de trous entre ce qui est juste en dessous du satellite et puis sur les côtés. Donc d'avoir quelque chose de continu. Pour balayer la zone, alors. Voilà, pour balayer la zone. Sinon, au point de vue technologique, je pense qu'il y a aussi des nouveautés. Alors, je ne suis pas très bien placé pour le dire, mais il y a pas mal de nouveautés dans le traitement qui est fait à bord du satellite. Je ne vais pas donner les détails, mais le signal qui est renvoyé par la surface, il arrive dans un détecteur et puis ensuite il y a tout un ordinateur de bord qui va le traiter. Et donc la partie traitement est quelque chose qui a été aussi mis au point en coordination, enfin le CNES et Thales, et avec des spécificités assez nouvelles et qui avaient peu été employées jusqu'ici. Si on parle des technologies, c'est ça qui est nouveau. Alors si on parle des applications, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'il y a des paramètres nouveaux qu'on mesure et qu'on ne mesurait pas avant, la longueur d'onde et la direction qu'on ne mesurait pas bien, la longueur d'onde et la direction des vagues. Donc on a ce plateau tournant et vous dites c'est compliqué de faire tourner des choses dans l'espace. C'est Daniel Ozer qui expliquait ça. C'est compliqué parce que ça n'a jamais été fait. Comme toutes les premières, l'environnement spatial est un environnement un peu particulier là. Hein, donc c'est pas parce que ça marche au sol que ça va marcher dans l'espace et vice versa d'ailleurs. On est obligé de développer, de qualifier. Tout ça part d'études de R&T, là, de recherche et technologie, qui ont quelques années derrière. Ça a été un des points technologiques qui nous a pas embêtés parce que ça a bien marché, mais par contre, c'était un des points durs de départ. Ça a très bien marché. Moi, j'aurais juste précisé quand même la photo que vous voyez là sur page 6. C'est l'antenne, ça, hein. C'est pas l'équipement. Sous l'antenne, il y a 100 kilos d'électronique là, dans le satellite. Hein. Donc, voilà. Ça, et l'antenne, la taille, parce que vous disiez que le plateau tournant, donc ça fait 1 mètre, mais alors la parabole, là, en hauteur. 2 mètres 30, ça doit faire. 2 mètres 30, donc je tiens dedans. Ouais. De haut en bas. Ouais. Ah, de haut en bas, d'accord. Ici, là, hein. Comme ça. Voilà. Comme ça, les gens ne voient pas. Mais le diamètre de la parabole. 90, je crois. Ah, 90, d'accord. Ok, 90 cm. D'accord. D'autres questions, peut-être ? Oui, bonsoir. Je serais intéressé par savoir l'ordre de grandeur, la précision, l'incertitude que vous avez sur les mesures aujourd'hui. Quel degré de précision vous avez réussi à obtenir parmi les premiers résultats ? Et est-ce que vous avez d'autres ambitions de mesurer des phénomènes qui pourraient être intéressants pour le milieu maritime, qui seraient les vagues scélérates ? C'est des éléments très difficiles à détecter aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu des choses ou d'autres ambitions grâce à la précision de votre outil ? Les vagues scélérates. Alors la précision sur les paramètres des vagues, hein, sur ce qui va caractériser les vagues. On s'est fixé des objectifs. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'ils seront complètement atteints. Et c'est l'objectif du travail en cours. On commence à avoir des données et on a commencé à les évaluer, les comparer à d'autres observations externes. Vous avez encore 5 mois de travail avant d'y arriver. Oui, et puis ça continuera après, de toute façon. Ah, encore après, d'accord. C'est 10% sur la longueur d'onde. C'est l'incertitude, hein, c'est ça ? Voilà, alors quand on dit la longueur d'onde, ça veut dire les vagues qui sont dominantes. Parce que, comme je vous ai expliqué, à la surface de la mer, il y a toutes les échelles de vagues, mais il y en a certaines qui sont plus hautes que d'autres. Parce que sur les grandes vagues, il y a des petites vagues, voilà. Et encore des vaguelettes voilà. Sur les. Alors les vagues dominantes, c'est celles qui vont être les plus hautes, qui ont le plus d'énergie, et donc on va essayer de les estimer à 10% près sur leur énergie, 10% près sur leur longueur d'onde, et 15 degrés sur leur direction. Je peux peut-être faire un petit aparté sur la direction. Une des choses importantes sur la direction, c'est que, comme je vous ai montré, donc les vagues se dispersent une fois qu'elles sont générées dans les zones de génération. Et elles arrivent éventuellement dans des côtes, des îles ou des côtes de continents. Et un des enjeux d'une meilleure connaissance de cette direction d'arrivée, c'est en particulier pour les problèmes côtiers. C'est-à-dire que l'impact des vagues à la côte sur les problèmes d'érosion, les problèmes de surcôte aussi, surcote. C'est quoi la surcote ? Surcote, c'est l'effet de relèvement du niveau de la mer dans les conditions de tempête, comme on en connaît de plus en plus à cause de l'élévation des océans, mais avec une contribution aussi des vagues, parce qu'il y a l'élévation moyenne des océans, il y a le vent, il y a les vagues, il y a la pression atmosphérique. Donc mieux connaître la direction des vagues, ça va aider à mieux prévoir les conditions de surcôte. On va avoir moins d'incertitudes sur les paramètres liés, enfin sur la contribution des vagues à ce phénomène, et puis tout ce qui concerne l'érosion. Alors dites-nous un mot de ce phénomène qui a été cité par monsieur, le phénomène des vagues scélérates. Qu'est-ce que c'est qu'une vague scélérate ? Alors une vague scélérate, c'est au milieu d'un ensemble de vagues qui est plutôt régulière, gentille, on peut s'attendre à peu près à une certaine régularité de la hauteur, ça ondule, une statistique qui est à peu près connue. Il va y en avoir certaines qui vont sortir du lot, et il va y en avoir quelques-unes qui vont avoir une hauteur extrême, par exemple 20 mètres au milieu de la moyenne des autres vagues qui vont être à 5 ou 10 mètres. On a des vagues quand même assez bien formées, 5-10 mètres, et d'un seul coup il y en a une qui fait 20 mètres. Voilà, alors il y a ça, eu... Ça existe, c'est répertorié, c'est connu, ça existe, vous validez. Ça a été répertorié, c'est connu plus ou moins. On sait qu'il y a des zones préférentielles où ça arrive. Ça arrive dans les zones de courant. On a parlé tout à l'heure d'interaction entre les vagues et les courants. Les courants ont un rôle sur la formation de ces vagues. Mais c'est assez difficile à qualifier parce que, par définition, c'est une vague de temps en temps, enfin un événement au milieu d'une statistique qui est plus régulière. Il faut tomber dessus avec les mesures classiques en mer, une bouée ou un bateau. Alors que les bateaux, ils évitent un peu ces zones-là. Les bouées, elles résistent plus ou moins. Et puis, c'est pas toujours aux bons endroits, etc. Donc, on n'a pas forcément... C'est des phénomènes rares aussi. C'est des phénomènes rares, mais il y a des accidents... Ouais. Dramatique avec certains navires qui n'en réchappent pas. C'est-à-dire que s'il y a une vague ou quelques vagues qui vont submerger le pont du bateau et que ça peut être dramatique, il peut le faire chavirer. Oui, il y a des accidents. Et donc pour répondre à cette question, on va peut-être mieux comprendre les conditions, c'est-à-dire l'environnement moyen, l'évolution à travers les courants, mais on ne peut pas mesurer vague par vague avec le principe de mesure. Vous ne la verrez pas, cette vague. S'il y en a une et que vous passez par hasard, par miracle, voilà, avec le satellite dessus, vous ne la verrez pas. C'est ça, on peut en voir. Si on passe dessus au bon moment, on peut la voir. Mais on peut la voir quand même. On peut voir un effet qui sort de la moyenne. Quoi. D'accord. Et on peut pas voir, on ne mesure pas individuellement chaque vague. C'est sûr. Ouais. Mais vous pourrez quand même la déduire sa présence de vos données. Oui, mais on n'aura pas de vérification. Enfin, c'est compliqué parce que les vérifications pour dire c'est bien ça, il y a eu une vague scélérate, on n'a pas de vérification locale. Enfin, faut tomber. Mais bien. Si vous savez qu'il y a une vague à tel endroit, c'est rare. Hein. c'est rare. Ça va être compliqué. Mais enfin, bon, on peut imaginer quand même. Oui, j'avais une autre question sur la partie scientifique. On a, quand j'entends parler de missions satellites qui étudient les vagues, le mouvement de l'atmosphère, les échanges d'énergie, je me dis qu'il y a des endroits où ça peut être vachement utile. Ça pourrait être Jupiter ou Saturne. Et j'imagine qu'au LATMOS, vous avez des gens qui rêveraient d'envoyer un CFOSAT en orbite de Jupiter. Est-ce que ça marcherait ou pas ? Sans doute, oui. Il y a eu, alors pas en France, mais il y a eu des radars, un autre type de radar qui s'appelle les radars à ouverture synthétique, les SAR en anglais. Qui ont été envoyés par les Américains pour des missions planétaires pour faire une image de la surface. Les radars imageurs, ils donnent comme une image en optique, mais sur les continents, ils vont vous imager les villes, les terrains agricoles, etc. Et en mer, ils donnent une certaine information également sur justement ces vagues qui vont, on va les voir sur l'image radar. Et il y a eu ce type de radar a déjà été envoyé autour de Vénus. Et peut-être d'autres planètes. Bon, il y a des projets, mais bon, le point difficile, c'est que, comme le disait Patrick, un radar, ça demande pas mal d'énergie, et sur les missions planétaires lointaines, c'est pas l'instrument qui est privilégié, parce que ça prend beaucoup trop de, ça prend beaucoup trop d'énergie, quoi. Monsieur. Bonsoir. Je voulais savoir si il existe des applications dans le suivi des phénomènes tsunami. Et par ailleurs, on voit donc sur la photo que pendant à peu près 4 jours, le satellite survole la Terre ferme. Puisqu'en fait, on fait le tour de la Terre en 13 jours. Et en fait, pendant 30% du temps, sur les 13 jours, on ne survole pas la mer. Est-ce que vous avez des applications possibles avec ces radars au-dessus de la Terre par ailleurs? Oui, alors sur les tsunamis, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Est-ce que vous permettez qu'avant cela, qu'on se comprenne bien? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que le satellite fait un tour de la Terre en 95 minutes. Donc en 1h30, on fait un tour de la Terre. Mais pour avoir une couverture, 13 jours, c'est la couverture globale de la Terre. Parce que, évidemment, quand on fait un tour de la Terre, on n'en voit qu'une bande. Pendant ce temps, la Terre tourne autour sur elle-même. Et donc, au final, il faut 13 jours pour avoir couvert l'ensemble de la surface terrestre. Mais un tour de la Terre se fait en 95 minutes. Oui, et vous avez, dans la page 8, vous avez ce qui est couvert en une journée. Hein, vous voyez les traces bleues et vertes. Alors, tiens, allons page 8 d'ailleurs. Voilà, on voit ce qui est en haut, c'est une journée. On voit les traces bleues et vertes. Bleu, c'est sur mer, et vert, c'est sur terre. Voilà, donc c'est le graphique en haut, hein, évidemment. On voit effectivement la surface qui est couverte en une journée. On fait 17 tours, hein, à peu près en une journée. 17 orbites. Voilà. 17 orbites. Et avec la rotation de la Terre, donc ça décale petit à petit et on peut couvrir comme ça toute la Terre. Donc non, il n'y a pas la majorité quand même de la couverture est sur océan, comme on le voit sur cette image. Je ne sais pas dire le pourcentage, mais ça doit être le pourcentage des océans, hein, ça doit être 60% ou quelque chose comme ça. Néanmoins, oui, sur le continent, on a prévu dès le début que les communautés scientifiques qui sont intéressées à utiliser les signaux réfléchis par les surfaces continentales puissent le faire. Donc c'est le même principe, on mesure l'intensité du signal qui est réfléchi par la surface. Et cette intensité, donc sur océan, elle va dépendre de ce qu'on appelle la rugosité, donc les vagues, différents types. Et sur continent, elle peut dépendre de plusieurs facteurs. Elle peut dépendre de l'humidité de la surface, elle peut dépendre de la végétation, elle peut dépendre, dans les zones arides, aussi de la nature de la zone aride, ce qu'on appelle aussi sa rugosité. Et donc il y a des équipes scientifiques qui n'ont pas encore commencé, mais qui vont regarder ces données. Et sur les glaces aussi, on n'a pas parlé des glaces de mer ou des glaces continentales, il y aura également une information qui pourra être utilisée. On pourra décrire la nature de la surface, est-ce qu'on est sur de la glace de mer ou pas. Donc au moins l'étendue des glaces, c'est à peu près sûr qu'on va avoir quelque chose, mais il y a d'autres satellites qui le fournissent aussi, mais ce sera complémentaire. Et puis peut-être des informations complémentaires sur la nature de la glace, c'est-à-dire si elle est dans les glaces de mer, il y a des glaces pluriannuel ou des glaces de l'année. Le fait qu'on ait une géométrie assez complète avec des incidences, comme on a vu, des angles d'illumination variés et aussi des directions, devrait pouvoir nous amener des informations nouvelles sur la nature de la glace de mer. Est-ce qu'elle est vieille ou est-ce qu'elle est jeune? Et également sur la nature de la glace continentale sur l'Antarctique ou sur le Groenland. Oui, bonsoir. Je repose la question, vous n'avez peut-être pas répondu, au niveau des tsunamis, est-ce que si le satellite passe au bon moment, il peut quand même participer à cette prévision du tsunami? Oui, mais toute la question est là, il faut qu'il passe au bon moment, au bon endroit. Et donc, Si on l'imagine qu'il passe au bon moment, au bon endroit. Sans doute que oui, parce que c'est une modulation qui va avoir le même effet que les vagues, c'est-à-dire qu'elle va incliner plus ou moins la surface, mais c'est une fois, quoi. C'est une onde ou une onde et quelques répliques. Et donc normalement, ça devrait être suffisant pour qu'on le voit sur le signal. Mais bon, ça n'a pas été dimensionné pour ça, mais si on passe au bon endroit au bon moment, ça devrait être possible. Mais ça ne peut pas servir d'alerte, on est d'accord. Alors, ce qu'on n'a pas précisé dans le dimensionnement du système, là, c'est que la mission CFOSAT, on a introduit la capacité de disposer des données dans les centres météo en moins de 3 heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la prise de vue, on appelle ça comme ça, hein, la prise de vue est faite, on se donne 3 heures maximum pour disposer de l'information, par exemple la Météo France. Alors je ne sais pas si dans le cas des tsunamis c'est utile, ça suffit ou 3 heures ça me paraît un peu beaucoup peut-être, mais, que... mais c'est pour ça que je me demandais si ça pouvait servir d'alerte, pas sûr. Il y a d'autres systèmes de toute façon pour donner l'alerte, oui, mais en revanche ça pourra permettre de mieux les comprendre, je suppose. Ouais. Daniel Ozer confirme effectivement. Donc 3 heures, il faut bien comprendre ce qui se passe. Effectivement, le satellite passe au-dessus d'un point donné, effectivement il y a un tsunami à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe pendant les 3 heures entre le moment où la prise de vue radar est faite et le moment où ça va, où l'information va arriver à Météo France? Alors, qu'il y ait un tsunami ou pas, il se passe la même chose. Hein. J'ai bien compris. Voilà. Mais là, on prenait le cas du tsunami. Il se passe un événement ponctuel intéressant. Donc, vous faites la mesure au milieu du Pacifique ou ailleurs. Il va s'écouler un temps qui est a priori, on va dire, un tiers d'orbite, un quart d'orbite, pour passer au-dessus des stations. Les stations, 40 minutes, les stations de réception sont au pôle. Donc il faut qu'on passe au pôle Nord pour pouvoir vider le satellite, emmagasiner les données au niveau de la station et ensuite rapatrier cette donnée à travers, c'est des volumes de données qui sont conséquents, hein, donc à travers divers réseaux. Typiquement une orbite, vous avez une idée de la quantité de... ouais, je vous embête là. Je l'ai su. Ah, je le sais plus. Je voulais vous poser une question à laquelle vous ne pourriez pas répondre. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus, mais c'est... On va dire que c'est dans la fourchette haute des satellites, médiane haute des satellites qu'on fait aujourd'hui. Après, il y a des satellites qui ont des flux de données beaucoup plus considérables, mais là... D'accord, voilà. Ok. Donc il faut vider le satellite, ces données, les passer au centre de contrôle de mission qui sont à Toulouse. Et ensuite la redispatcher sur les utilisateurs Météo France. Il faut la traiter quand même, cette donnée. Il faut la traiter, oui. Où est-ce qu'elle est traitée ? À Toulouse. À Toulouse, c'est ça ? À Toulouse. Parce que c'est de la donnée brute et il faut la transformer en information que pourront lire des météorologues. Absolument. Ouais. Et ensuite la distribuer chez nous en France à Météo France, mais aux agences météo, on va dire. Donc. En fait, ce qui est dimensionnant là-dedans, c'est l'endroit où vous êtes sur l'orbite au moment où vous prenez la mesure, parce qu'une orbite, c'est déjà 95 minutes. Donc, si vous venez juste de passer par l'épaule et que vous faites une mesure, il va falloir attendre une heure et demie, quoi. Hein. Ah, voilà. C'est ça. Oui, je veux juste revenir sur le fait de notre collaboration avec l'agence spatiale chinoise, oui. qui est fascinante, d'autant que les Chinois se développent et se sont développés à une vitesse incroyable. Et leur agence spatiale qui n'existait pas il y a 20 ans, maintenant, va envoyer des gens sur Mars, peut-être. Enfin, mais bon, là, c'est pas le sujet. Mais voilà. Le spatial, c'est plein d'espoir. On s'échange des boîtes noires qu'on a fabriquées dans de jolies salles blanches. Respectant les dimanches, avec les Chinois, je pense qu'on a un truc en commun. C'est pas tant les maths ou les chiffres romains, mais c'est surtout les vacances. Chez eux, c'est la fête des lanternes. On envoie au ciel des lampions. Dans sa version ultra moderne, CFOSAT est né de ce don. Depuis bien des millénaires, en Chine, on envoie en l'air des ballons qui dans le ciel vont voyager. Ça occupe leur congé. Ça occupe leur congé. Ça occupe leur congé. Ah oui, mais ça fait allusion au fait, évidemment, qu'ils vous ont dit au dernier moment, voilà, qu'ils allaient partir. Ils ne seraient pas là pendant 3 jours. Oui, bien sûr. Mais parce que quand il a dit oui, on travaille pas le dimanche, je lui ai dit ah si si, j'ai vu votre tête, vous dites on travaille le dimanche, c'est ça? On travaille un peu comme dans tous les métiers. Hein. Quand il y a une date qui est une date de livraison qui est intangible, on travaille ce qu'il faut pour tenir la date. Hein. La date de lancement, elle n'est pas malléable à merci. Quoi. D'autres questions, je vous en prie. Oui, bonsoir. Donc on a parlé des tsunamis, des vagues scélérates, et c'est vrai que c'est des phénomènes très précis donc, pour lesquels il n'a pas été designé le satellite. Mais plus précisément que la climatologie en général ou quoi, quels sont les domaines de recherche en fait qui ont été intéressés par le satellite? Parce qu'autant les domaines d'application se font avec les données, mais en général quand on programme un satellite ou quoi, il y a des recherches déjà qui se disent que par rapport à ce qu'on va voir, on va étudier tel phénomène ou tel phénomène ou telle chose. Oui, alors je vais revenir un petit peu sur le rôle des vagues dans le lien entre l'atmosphère et l'océan et donc le climat, parce que le climat, il est contraint par les deux milieux, l'atmosphère et l'océan, et à l'interface, il y a le vent à la surface et il y a les vagues. Et donc quand on veut bien décrire ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire ce qui est échangé entre l'atmosphère et l'océan, et qui est très important pour bien modéliser l'évolution de l'océan et donc l'évolution du climat, il faut tenir compte des vagues. Actuellement, c'est assez peu fait. La plupart des modèles disent, en gros, ils prennent le vent en considération et on dit, avec tel vent, ça va avoir un tel effet d'échange. Donc, une des nouveautés, c'est d'avoir la description complète des vagues pour pouvoir mieux prendre en compte cet effet-là. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parmi les effets, et c'est quelque chose qui est regardé en ce moment par de la modélisation, il y a le mélange sous la surface. Le mélange et le déferlement aussi, le mélange par ces mouvements que je vous ai montrés. Il faut bien comprendre, le mélange, ce que vous appelez le mélange, c'est le fait qu'il y a des particules eaux d'atmosphère qui pas seulement, d'accord. C'est l'eau qui est vraiment en surface, qui a une certaine température, qui va faire des mouvements sous la surface et donc se mélanger avec de l'eau qui est un peu plus froide. Ah, donc c'est mélange d'eau, c'est un mélange d'eau à l'intérieur de l'eau. Et donc ça va changer les températures des couches superficielles de l'océan. On va avoir du brassage comme ça. Voilà, alors il y a ces mouvements qui impactent sur ces brassages. Et donc, et les vagues, et donc les vagues ont une incidence sur ces mouvements d'eau. Et sur ces mouvements d'eau et donc ce brassage, ainsi que le déferlement de ces vagues également, ça va. Alors là, le déferlement, ça va inclure de. Enfin, ça va faire que de l'eau entraîne de l'air dans l'eau et que ça inclut des mouvements tourbillonnaires et donc ça va aussi renforcer ce brassage et ces mélanges. Et donc ça change les températures superficielles de l'océan. Et ça, c'est vraiment majeur de mieux représenter tous les phénomènes qui vont influer sur la température superficielle de l'océan, parce que c'est par ça que vont se faire tous les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Échanges de chaleur, l'évaporation également, et ça, c'est aussi un échange de chaleur, l'évaporation, parce que ça va refroidir. Et les échanges de gaz également. L'évaporation, c'est ce qui va provoquer les nuages. Ouais. Les nuages, ils ont un effet. Les nuages ont un effet radiatif. Donc il y a des effets qui couplent l'ensemble des phénomènes, et jusqu'ici, il y a peu de prise en compte des vagues. Donc on espère améliorer. Ça, c'est un des thèmes de recherche. Alors, améliorer ça, jusqu'à quel point est-ce que le fait de bien comprendre tous ces phénomènes de brassage, etc., va effectivement changer la façon dont on comprend le climat? C'est à la marge pour vous? Vous dites c'est important, mais au final, on va améliorer, par exemple, les prévisions de l'ordre de, je sais pas si ma question a un sens, est-ce qu'on peut quantifier l'amélioration qu'on va obtenir grâce à cette meilleure connaissance des vagues? Je ne peux pas vous le quantifier exactement. Par contre, ce que j'ai vu récemment, dans des thèses, par exemple, c'est qu'effectivement, on change un tout petit peu ces échanges par le vent et par les vagues, c'est la vitesse du vent ou les vagues, et ça peut changer beaucoup, surtout dans certaines zones, dans les zones tropicales par exemple, ça peut changer beaucoup les structures de température à la surface de l'océan, avec les zones chaudes du Pacifique, plus ou moins chaudes à l'ouest, à l'est, etc. Et changer ces températures, ça change la circulation dans les bassins océaniques également. Donc tout est couplé. Donc c'est pour ça que c'est difficile de vous répondre exactement, parce que si vous mettez de l'eau plus chaude d'un côté et de l'eau plus froide de l'autre, ça engendre des circulations d'eau à la surface qui vont se renforcer. Et on sait que c'est très sensible. C'est très sensible à ce qu'on met d'accord. dans ces modèles. Donc on va améliorer. Plus on décrira les paramètres qui influent sur ces échanges, plus on sera précis. D'autres interventions peut-être ? Oui, bonsoir. Au large de Saint-Jean-de-Luz, il y a un haut fond qui, de temps en temps, fait qu'il y a une vague très haute qui apparaît. Donc les surfeurs basques, au lieu d'aller à Hawaï, ils guettent cette vague. Et cette vague vient de centaines de kilomètres. Peut-être qu'avec les mesures que vous allez faire, vous pourrez les prévenir. Alors, on va prévenir des conditions moyennes. De la vague exactement, c'est plus difficile parce que effectivement, ça revient à la question qui a été posée tout à l'heure. De temps en temps, les vagues, comme on a dit tout à l'heure, il y a toutes les échelles et elles se regroupent, ce qu'on appelle des groupes, c'est-à-dire que les oscillations que je vous ai montrées, elles se regroupent par paquets, plus ou moins serrées. De temps en temps, il y a une vague ou quelques vagues qui s'échappent de ce paquet et qui vont s'amplifier par des phénomènes non linéaires, c'est-à-dire que vous faites 1+1 et ça fait pas 2, ça fait beaucoup plus. Et donc c'est ce type de vague là et il faut que ce soit la bonne direction. À un moment donné, il y aura eu des rencontres avec des courants, il y aura eu la rencontre, le changement aussi avec la bathymétrie, le fond océanique, qui fait qu'il y aura de temps en temps une vague effectivement qui va être plus formée, plus haute, plus longue, avec des crêtes plus longues. On ne peut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas les décrire une à une, on peut juste décrire les conditions moyennes. Mais si on sait relier la probabilité qu'on ait ce type de vague en fonction de ces conditions moyennes, on a déjà fait un pas. C'est-à-dire si on sait que dans les conditions où la direction au large est de telle direction, telle longueur d'onde, et que dans ces conditions-là, en moyenne, on a plus de chances d'avoir cette vague individuelle, c'est quelque chose qui pourra améliorer les choses. C'est ce que guettent les surfeurs. Ils surveillent la direction, le vent... à des centaines de kilomètres, hein, ils regardent. Oui, il y a déjà des modèles qui prévoient les vagues, hein, de toute façon, ils utilisent. Ah, peut-être qu'on peut aller page 4, parce que ça, c'est le genre de choses, page 4, qu'on obtient, si je ne me trompe pas, grâce à SWIM, à l'instrument français SWIM. Hein, c'est bien sûr celui-là. Voilà, page 4. Est-ce que vous voulez nous le décrire, Daniel Hauser? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Alors, le gros graphique à gauche... c'est ce qu'on appelle le spectre directionnel des vagues. Donc là, il n'est pas estimé à partir de SWIM, mais c'est une mesure d'une bouée qui est mouillée au Minquier, comme c'est écrit. Où est-ce que c'est le Minquier ? C'est en Bretagne. En Bretagne, d'accord. Donc vous voyez plus là. Donc ce graphe, c'est un cercle. La position. Comme une montre, si vous voulez, la position le long de ce cercle, c'est la direction d'où viennent les vagues. Et la couleur, c'est en gros la hauteur ou l'énergie des vagues. Et puis là où se situent les zones colorées par rapport au centre des cercles, c'est leur fréquence ou ici c'est leur fréquence. Donc ce que vous voyez là, c'est que l'énergie qui est la plus forte, c'est-à-dire la plus rouge, se concentre pour des vagues qui viennent de l'ouest. Là, la représentation, je pense que c'est ça vient de l'ouest. Enfin, peu importe si ça vient ou si ça va, mais pour une fréquence qui est autour de entre 0,1 et 0,2 Hertz. Donc là, vous voyez une partie de l'énergie des vagues qui est dans cette direction. Puis il y a et celle-là, elle n'est pas alignée avec la direction du vent. Le vent est symbolisé par la petite flèche. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le vent. Donc c'est celle qu'on appelle la houle. Parce qu'elle n'est pas créée par le vent local, c'est un système de vagues qui se propage depuis des zones lointaines. Donc ce sont des vieilles vagues, si des je puis dire, vagues. Qui arrivent et qui sont relativement indépendantes. Et en même temps, au même endroit, vous voyez que vous avez une autre zone d'énergie importante qui est matérialisée par les couleurs bleu, vert, jaune. Là, et puis c'est entouré, d'un cercle bleu. Donc ça, cette énergie est par contre bien alignée dans la direction du vent, mais ça se répartit autour de la direction du vent. Et les fréquences sont plutôt de 0,2 ou 0,3 Hertz, c'est-à-dire une plus haute fréquence, ça veut dire des plus courtes longueurs d'onde, c'est des vagues plus courtes. Donc sur cet exemple-là, vous voyez que dans cette zone-là, on a mesuré en même temps, au même endroit, à la fois ce qu'on appelle la mer du vent et la houle, et c'est exactement ce genre de mesure qu'on veut essayer de reproduire, qu'on veut essayer de mesurer globalement, parce que ça c'est une mesure très locale, en un point de mesure et proche des côtes, et c'est l'information qu'on va avoir avec SWIM, comme le montre page 9. Est-ce que vous commentez ce qu'on voit page 4 en haut à droite? C'est une image numérique de vagues simulées pour de la houle, là. Et ce que je voulais montrer là, c'est qu'on revoit bien les hauts et les bas de ces crêtes. Hein. Vous pouvez les visualiser à l'œil avec une propagation vers en haut à droite de la page. Mais la hauteur est exagérée, là. Oui, c'est d'accord. Et vous voyez aussi que les crêtes ne sont pas toutes alignées. Oui, alors ça. Cet exemple-là, c'est des grandes crêtes, c'est des longues crêtes. C'est-à-dire que sur toute la zone où on l'a simulé, les crêtes sont presque occupent toute la figure. Mais quand, ça dépend de la nature de la mer. Si c'est de la houle ou de la mer du vent, les crêtes sont plus ou moins longues. C'est justement pour les surfeurs, ils cherchent des longues crêtes. Hein. Et donc, associé au spectre que je vous ai commenté tout à l'heure, il y a aussi, ça correspond à une différente topographie de la surface. Alors, on a la petite sœur du graphique de la page 4, qui se trouve page 9. Voilà, c'est là. Voilà, c'est la même alors, chose. Alors, page 9, c'est la même représentation que ce que je vous mais ai détaillé. Mais c'est du vrai, là, pour le coup. Hein. Là, c'est du CFOSAT. C'est du vrai, mais pas encore définitif, obtenu à partir des données CFOSAT. Donc, la représentation est identique. La couleur, c'est l'énergie, donc la hauteur des vagues, ou la hauteur, ce qui revient au même. La direction où ça se produit, c'est leur direction par rapport au nord. Et vous voyez ici, sur cet exemple, qu'on a aussi un mélange de deux systèmes de vagues bon, qui sont... Bon, c'est un résultat préliminaire qu'il faut encore travailler parce qu'on voit aussi qu'il y a des effets perturbateurs qu'il faut qu'on enlève. Alors, il y avait un petit commentaire. C'était sur le communiqué de presse. Hein, à gauche, il y a été écrit sur le communiqué de presse. Ce qu'on voit ici, c'est que houle et mer de vent ont des directions nettement différentes, ce qui pourrait rendre la navigation maritime dangereuse si les amplitudes des vagues étaient plus fortes. Bah, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les situations de mer croisée. Pour ceux qui naviguent un peu, ils savent que c'est pas très agréable. On est secoué dans tous les sens. Et donc, dangereux, ça, effectivement, c'est l'intensité de ces vagues, la hauteur de ces vagues va être importante, plus c'est chaotique. Ah oui. et plus c'est dangereux pour la navigation. Oui. Ah oui, d'accord. Alors on a d'autres résultats. Oui, premier résultat, la page 8, donc on a vu le graphique en haut. On n'a pas commenté les deux qui sont en bas. Apparemment, on a une comparaison entre Swim d'un côté et puis un modèle à droite, c'est ça? C'est ça, donc c'est une illustration préliminaire également là sur... une orbite, hein, c'est-à-dire un tour de la Terre. Donc c'est déjà pour vous illustrer ce qu'on voit en une heure et demie. Et à gauche, c'est ce qu'on a commencé à analyser à partir des données de l'instrument SWIM. C'est la hauteur des vagues à partir des faisceaux qui sont nouveaux par rapport à ce qui se faisait jusqu'ici. Et à droite, c'est ce qui sort d'un modèle, le modèle du Centre européen, qui fournit, un des modèles qui fournit la prévision des vagues, donc qui fournit les specs de vagues en tout point de l'océan. Alors moi, qu'est-ce que vous dites de la comparaison entre les deux? C'est que le modèle correspond ou correspond pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on voit, c'est que les zones de hauteur importantes là dans l'hémisphère sud, on les retrouve des deux côtés, ainsi que dans l'hémisphère nord près du Groenland. Donc le modèle est plutôt juste de ce côté-là, c'est ça que ça veut dire? Oui, alors là, on se sert plutôt du modèle comme référence que... Ah, c'est voilà, la mesure c'est plutôt, qui est juste. Voilà, ouais. Mais vous voyez quand même une différence de couleur, c'est-à-dire voilà. qu'on pour l'instant, il y a encore des choses à régler dans les algorithmes modèle, d'inversion. Donc ça veut dire que ces deux dessins, enfin ce dessin en bas, ce graphique, montre que le modèle peut apporter... que la réalité connue du terrain grâce à SWIM va réussir, va être utile pour les modèles, c'est ça que ça veut dire? Oui, alors il faut qu'en moyenne, les deux se parlent. C'est-à-dire que l'instrument, en moyenne, il voit les mêmes hauteurs de vagues, les mêmes directions, les mêmes longueurs. Donc ce qu'on va apporter en plus, c'est effectivement que les modèles, parfois, ils ratent des événements. Ils ratent une tempête qui s'est développée rapidement et qui, du coup, ne produit pas les vagues appropriées dans les modèles, ou ils anticipent sur l'évolution d'une tempête, ou au contraire, ils retardent. Et donc le fait d'avoir des observations... quand elles seront bien calibrées, là il y a encore du travail à faire, mais quand elles seront bien vérifiées, calibrées, ces informations, elles vont être utilisées dans les modèles pour les contraindre, c'est-à-dire pour éviter pour corriger le modèle qui aura pu dériver parce que le vent n'était pas correctement prédit dans le modèle ou parce que le modèle a des erreurs tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire que les observations vont être introduites dans les modèles, c'est le travail que fait Météo France, pour le forcer à ne pas trop s'éloigner des observations. Mais à ce moment-là, c'est les observations qui seront la référence. Oui. Pour l'instant, on se sert du modèle pour, en gros, voir si on n'est pas trop différent. On n'a pas encore parlé de l'instrument chinois. Est-ce que c'est interdit ou... On ne le connaît pas, on n'en sait rien, on ne l'a pas vu. J'ai pas compris la question. L'instrument chinois, non mais je répondais à votre place, je disais qu'on ne sait rien à son propos, donc on ne peut rien en dire. D'accord. Si, on connaît le principe de mesure. Je blaguais. Le principe de mesure, c'est un radar aussi, avec une géométrie qui a été choisie, qui est un peu différente de d'autres instruments, parce que les angles qui ont été choisis sont ceux où c'est les angles de pointage de l'antenne, sont ceux où on est plus sensible au vent qu'aux grandes vagues. Mais c'est un principe qui est bien connu, et il a une certaine originalité dans ce qu'ils ont proposé. Et c'est aussi le fait que les deux antennes tournent sur 360 degrés à une vitesse à peu près la même, un peu plus vite que nous, je crois. C'est deux antennes, effectivement. Antennes plates. Hein, oui, si on regarde la page de une, la première page, on voit effectivement la génération de ces espèces d'ondes figurées en rouge, là. Hein. Et en fait, il faut comprendre que juste derrière, il y a la même chose. Hein. Oui. C'est une antenne avec deux polarisations, là, en toit de maison, comme ça, qui tourne, alors je ne sais plus, à 8 ou 10 tours minute. Enfin bon. Quelque chose d'un peu différent de nous et pas multiple, évidemment. Et qu'il y a une fauchée au sol. La fauchée, c'est la trace au sol, hein, de 1000 km, hein, à comparer à nos 100 km. Voilà, donc le principe d'estimation du vent, il est connu, il est utilisé depuis les années 90 dans différentes missions spatiales lancées par l'Europe ou par les Américains. Et ils ont réutilisé le même principe, mais avec ce concept d'antenne complètement tournante et large fauchée, qui est un peu différent des autres concepts. Avant qu'on se quitte, un petit mot quand même pour revenir sur ces différences de manière de travailler avec les Chinois. Il y a aussi sur l'approche technique qu'il y a pas mal de différences. Eux font pas mal d'essais avec du matériel, c'est ça ? Alors c'est probablement la plus grosse différence avec ce dont je parlais tout à l'heure. Ils ont une approche qui est très pragmatique et très pratique, c'est-à-dire que ils font assez peu d'analyses en relatif par rapport à nous. Et par contre, ils fabriquent... Qu'est-ce que vous appelez l'analyse ? Des analyses la conception des modèles, de la modélisation, si vous voulez. Ils passent assez peu de temps là-dessus. Par contre, ils font des modèles physiques, c'est-à-dire qu'ils font un modèle thermique d'une partie ou de tout le satellite, ils font un modèle mécanique, ils font un modèle électrique et on teste et on passe du temps à tester tout ça. Ça marche pas, on regarde, on bricole, enfin on bricole, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, c'est du bricolage de haut niveau, mais on bricole, on répare, on ajuste, et puis quand ils ont un modèle, si ça marche toujours pas, quand ils ont un modèle qui marche, le design est considéré figé. Nous on fait pas ça, hein. Nous on passe un temps important en analyse, en modélisation, en simulation, et quand on estime qu'on est arrivé au bout de ce que l'on savait faire, on fait le modèle, mais on fait le modèle pour se rassurer et pour avoir la confirmation que ça marche. Ah oui, on sait déjà que ça marche. Ce qui est différent. Ah oui. Alors, ça veut dire que quand on part en essai, on a assez peu d'échecs. On en a, hein, bien sûr, mais on en a assez peu. Par contre, quand on en a, c'est embêtant. Ça veut dire qu'on s'est vraiment gouré quelque part, quoi. Nos amis chinois, quand ils partent en essai et qu'ils ont un échec, c'est la vie. C'est fait pour ça, quoi. Alors, ça, c'est des philos qui se télescopent un peu intellectuellement, mais pas que. Elles se télescopent aussi d'un point de vue planning, plan de développement, parce qu'on n'est pas prêt en même temps. Quand ils nous demandent des modèles, Nous, on est encore dans nos modélisations, dans nos simulations. On n'est pas prêt à faire des modèles, des maquettes. Hein, c'est on ça est, voilà, on n'est pas prêt à faire des modèles, des maquettes, des choses comme ça. Accessoirement, ça coûte cher de faire des maquettes. Nous, on préfère faire tourner les ordinateurs pour simuler. Je ne suis pas capable de vous dire quelle est la meilleure approche des deux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne tombe pas souvent en face au niveau du plan de développement. Donc il faut jongler, quoi. Et on fait des modèles, nous, qui sont des maquettes qui sont moyennement représentatives parce qu'on n'est pas prêt. Eux considèrent que les résultats obtenus sont définitifs. On leur dit mais oui, mais non, mais on va changer plein de choses. C'est des approches qui sont un petit peu beaucoup différentes. Et c'est source de pas mal de soucis, au moins au premier tiers du programme, là, au premier tiers jusqu'à la moitié du programme, on est empêtré là-dedans. Quoi. Ouais. C'est pas facile à gérer ça. Parce qu'on a du mal à dialoguer, on n'en est pas au même stade. C'est surtout qu'on stade, a du mal. Hein. Voilà, c'est ça. On a du mal à mettre les choses en face, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses pas que ces approches différentes, en fait, elles sont liées peut-être pas à une philosophie, mais à une expertise, une expérience, des acquis qui ne sont peut-être pas les mêmes pour les Chinois que pour nous ? Moi, je pense que s'il y a deux choses, la première, elle est culturelle. Nos amis, tant qu'un problème n'est pas arrivé ou tant qu'on n'a pas en face de soi l'évidence de quelque chose, tant que ça reste hypothétique, ça n'existe pas. Si c'est hypothétique, c'est quasiment une cata, quoi. On est dans l'excès inverse, quoi. Hein. Et là aussi, hein, pour que les choses tombent en face, c'est pas facile. Donc, il y a cette composante culturelle là qui fait que nous, on part dans des explications, dans des et si machin, et on envisage des cas, des trucs, et ils comprennent pas, quoi. Ils nous disent mais on verra. Et puis il y a des chances que ça se passe bien. Le problème, c'est qu'ils ont, ils ont parfois raison, quoi. Donc, on se cherche un peu les poux dans la tête, là. Moi, je pense que c'est culturel. Après, bien sûr, il y a un héritage. On faisait comme ça. On m'a raconté. Il y a 30 ans, 40 ans, on faisait comme ça, on faisait des modèles, hein, parce qu'on n'était pas mûr au niveau des modélisations, on n'était pas là où on est, on n'avait pas les connaissances. Des modèles, on faisait des maquettes. Hein. Fines des matériaux, des comportements, des voilà. Eux en sont là. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je suis pas capable de vous le dire. Mais oui, il y a l'héritage et la culture, il y a les deux. Il y a un volet culturel. Ça vous donne envie de faire évoluer la manière de travailler au CNES ça, alors, si, vous, si, vous, si personnellement, la question, vous dites, si la question est est-ce qu'on en tire du retour d'expérience chez nous, la réponse est oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce que à l'heure où on cherche à simplifier, où on cherche à faire moins cher, on cherche à faire plus vite, on voit qu'une autre voie est possible. On voit que y a une autre voie qui nous paraît un peu acrobatique, mais elle marche, l'autre voie, quoi. Alors, il faut être prudent, surtout. C'est-à-dire que si on prend une autre voie, il faut prendre l'ensemble de la voie, parce que la voie, elle est cohérente. Et si on ne prend qu'un morceau, j'ai bien peur que ce soit incohérent et qu'on court à la cata, quoi. Donc il faut s'en inspirer, mais bien le réfléchir. Ça, c'est sûr. Et je pense, pour en avoir discuté avec eux, qu'ils en tirent un retour d'expérience aussi et qu'ils vont eux aussi beaucoup discuter et peut-être modifier 2-3 choses à la maison. C'est à ça que ça servait. Voilà. C'est l'eau de surface qui, dans une extraordinaire volte-face, plongée se retrouve alors face à face. Avec l'air qui s'en manquait d'audace. son coriace. C'est un grand classique de la mer, la rencontre de l'eau et de l'air dans un mouvement non linéaire. Une vague s'échappe et fait la fière. Cette vague se retourne au Far West entre 0,1 et 0,2 Hz, puis elle finit comme vague de houle en barigoule. C'est l'eau de surface qui, dans une extraordinaire volte-face, plongée se retrouve alors face à face avec l'air qui, non sans manquer d'audace, fait son coriace. Voilà, donc avant de se quitter, une dernière petite question quand même sur ce décollage qu'on voit dans la, sur la dernière page, c'est la page numéro 10, vous y étiez, c'est de la base de, je sais pas comment on prononce, Jiuquan, donc c'était, voilà, c'est pas courant que des Occidentaux aillent sur ce type de base, hein, le spatial est beaucoup aux mains des militaires en Chine. Bah, le spatial, il est, enfin, en tout cas, en ce qui concerne les bases de lancement, il est totalement aux mains des militaires, hein, parce que la base de Jiuquan est une base militaire, comme les autres bases chinoises. Donc oui, on a eu l'opportunité de préparer le satellite, de faire la campagne de lancement à Jiuquan. C'est une sorte de privilège, effectivement, parce qu'il y a extrêmement peu d'occidentaux. Alors, occidentaux, je ne sais pas ce que c'est la définition d'occidentaux, mais on va dire non chinois, non russes, quoi, qui ont eu le privilège de faire ça. Moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est... Alors, c'est un moment un peu extraordinaire à plusieurs titres. Le premier, c'est que cette base, elle est située en Mongolie intérieure. Alors pour ceux qui connaissent la géographie chinoise, la Mongolie intérieure, c'est la partie qui est frontalière avec la Mongolie, qui est donc la Mongolie extérieure. Mais bon. Et c'est le désert de Gobi. Donc elle est au milieu de nulle part. Quand vous partez de Toulouse là, et que vous arrivez à Jiuquan, il s'est écoulé 30 heures hein, de voyage quand même, hein. Donc c'est quand même au milieu de nulle part. Si vous vous échappez de la base, je ne sais pas où vous pouvez aller. C'est au milieu du désert. Après, c'est une expérience très intéressante parce qu'on a travaillé avec les militaires, on a travaillé avec nos amis chinois là, sur la base. Et puis surtout, on a eu le privilège d'assister au lancement. Pour info, quand même, on y est resté 6 semaines, on a vu 4 lancements en 6 semaines. Hein. Ça donne une idée de, du business local. Et ce lancement, à titre personnel, mais pas que pour moi, c'est quand même un moment un peu émouvant, quoi. Pour Daniel Ozer, je pense aussi, parce que ça faisait un petit bout de temps que vous attendiez ça. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance d'être invité au lancement. Alors moi, je ne suis pas resté 6 semaines, je suis juste venu pour la veille et le jour du lancement. Mais l'autre chose pour laquelle on a eu vraiment beaucoup de chance, c'est que d'après ce que mes collègues qui ont eu la chance d'assister à ceux qui ont eu la chance d'assister à des lancements à Kourou, c'est 15 km, on est à 15 km de la fusée ou quelque chose comme ça. Enfin, on est loin. On était à 1 km. Quand on est à Toucan, c'est 4 km, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tout le monde n'est peut-être pas à 4 km, mais là, on était à 1 km. Hein, on était, donc on, 1,5. Ouais. Ah oui, 1,5, c'est bien ça. On est sous les propulseurs. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et un lancement de jour en plus. Oui. Au lever du soleil. Du soleil. On a eu le soleil en. Ah. Voilà. C'était contre jour, mais c'était contre très beau. D'accord. Et très émouvant, oui, parce qu'on se dit, ça y est, quoi. C'est parti. Alors, on voit qu'avec un satellite comme celui-là, effectivement, on est là pour mieux comprendre les océans. Les océans, ils ont vraiment maille à partir avec le changement climatique, avec les activités économiques, avec la sécurité. Donc, on va vraiment le lien direct avec notre vie concrète, notre vie réelle. Dans un mois, on va aussi parler de vie réelle, de vie concrète avec les populations sinistrées. Ce sera le mardi à Bretagne. Ah, parce qu'il y a Eh oui, alors attends, il y a un switch. Viens nous raconter ça, Jean-Gabriel. Alors oui, on a un switch là, pour le mois prochain. C'est pas la charte des risques, c'est donc l'espace au secours des populations sinistrées. Mais on va partir encore plus haut, puisqu'on va et plus loin dans le temps, puisqu'on va imaginer comment on vivra plus tard dans l'espace. Voilà, donc le mardi de l'espace du mois d'avril, vous l'aurez en avant-première au mois de février, voilà. Donc la charte des risques et donc le secours aux populations sinistrées prend la place au mois d'avril, voilà. Voilà, donc il y a plein de changements cette saison avec on expérimente, hein, Jean-Gabriel, hein, cette année, voilà. Nouvelle café, nouvelle date, on inverse les dates, programme tournant, un peu comme la plateforme Swim. Oui, donc on voit qu'on a eu effectivement beaucoup de premières, hein, avec CFOSAT, cet instrument, ce radar complètement nouveau, la capacité à coupler les connaissances sur les vagues et sur le vent à un même endroit, cette coopération franco-chinoise qui évidemment permet d'en apprendre énormément avec des conséquences extrêmement pratiques. Merci infiniment à tous les deux, Daniel Ozer et puis Patrick Castillon, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Merci infiniment et puis donc au mois prochain. Bonsoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.